Le rassemblement pour célébrer les 70 ans de la fondation de la maison d'édition du livre en langue étrangère s'est déroulé vendredi. Y ont pris part Choi Tae-bo, vice-président du comité central du Parti du Travail de Corée, et le personnel de la maison d'édition. Choi Tae-bo a transmis les félicitations du comité central du Parti du Travail de Corée adressées à la maison d'édition. Le message de félicitations indique: le président Kim Il-sung s'est rendu le 6 novembre de l'an 35 du Juche 1946 au bureau de rédaction des manuels du département d'enseignement du Comité populaire provisoire de la Corée du Nord pour prendre la mesure de fondation de la maison d'édition spécialisant chargée de la traduction des livres des sciences et techniques avancées et de la rédaction des manuels en langue étrangère. Il a prodigué sans cesse d'immenses confiances et affections au personnel de la maison d'édition. Quant au général Kim Jong-il, il a visité à plusieurs fois la maison d'édition des livres en langue étrangère pour recommander au personnel d'assimiler les idées révolutionnaires du président et du parti et de rédiger les manuels Tsutse. Il a fixé le 11 mars de l'an 36 du juillet 1947, jour de l'organisation de l'Office des traducteurs au bureau de la rédaction des manuels du département d'enseignement du Comité populaire de la Corée du Nord, comme la journée de la fondation de la maison d'édition. Nous félicitons le personnel de la maison d'édition qui a fait preuve de toute intelligence et passion à la traduction et à la rédaction des livres et soutenu fidèlement l'idée du parti privilégiant les sciences et l'enseignement ainsi que son orientation en matière de révolution dans la presse. À la suite du rapport, il y a eu les interventions.